help has come. Levetez-la. Criez plus fort. Hallelujah. Hallelujah. What a blessing. Quelle bénédiction. What a blessing. Hallelujah. You may be seated. Prenez place, s'il vous plaît. Prenez place. Bishop, we are very happy to see you Nous today. Très heureux de te voir. This is the Congress of Mission Jésus qui guérit. And we are very excited. Et nous sommes vraiment ravis, très excités. We believe that as you've come, nous croyons que alors que vous êtes venus, you are going to set us on fire. Vous allez nous mettre sur le feu. So that we can become great shepherds que nous puissions and pastors. Devenir des grands bergers et des grands pasteurs. Put your hands together and let's welcome our Father, Bishop Dan. Hallelujah. Let us pray. Father, thanks a million for this opportunity. Merci pour cette opportunité. Guide us by your mighty power. Dirige-nous à travers ta puissance grande. And let your will be done. Que ta volonté soit faite. In Jesus' name. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. You may be seated. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Hallelujah. Hallelujah. It is a blessing to see all of you. Il est une bénédiction de voir tout le monde. How many of you are from Ghana? Combien vient de Ghana? How many of you are from Togo? Combien vient de Togo? And where else are you from? Et qui d'autre? Benin. How many from Le Benin? Benin. And how many from where? Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. How many from Burkina. Burkina? Le Burkina Faso. Wow. Wow. And how many from Mali? Le Mali. Wow. And how many from Et combien sont venus de Congo? Congo. Brazzaville. DRC. RDC. Wow. Wow. That is fantastic. C'est fantastique. Hallelujah. Hallelujah. Is there anyone I missed? Est-ce que j'ai raté? Paris. Paris. Wow. Beautiful. C'est très beau. Geneva. Genève. Genève. Switzerland. La Suisse. Suisse. Beautiful. C'est très beau. Gabon. Wow. Beautiful. C'est très beau. Anywhere else? Senegal. Guinea. La Guinée. On the way. Sont en route. Belgium. La Belgique. Belgique. Fantastique. C'est fantastique. Burundi. Le Burundi. Has anyone else been left out? Est-ce que j'ai laissé quelqu'un d'autre? Une autre. Niger. Le Niger. On the way. Wow. Le Niger. Beautiful. C'est très. Father, thanks a million for this opportunity. Père, merci million de fois pour cette opportunité. We are grateful. Nous sommes reconnaissants. In Jesus' name. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Today I want to share with you about what I call your destiny. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous ce que j'appelle ta destinée. Isaiah 60 verse 22. Ésaïe 60 verset 22. We can read from verse 21. Nous allons commencer du verset 21. Thy people, le peuple, also shall be all righteous. Aussi seront tous justes. They shall inherit the land forever. Ils vont avoir héritage la terre pour toujours. And the branch of my planting, the work of my hands, that I may be glorified. La branche de ma plantation et l'œuvre de ma main sera glorifiée. Can you lower the bass on his? Well, that's what's giving the noise. All right, lower the bass on it. That's what gives the noise. You hear, as if he's holding his microphone, we can hear something is happening. It's from the bass. All right, and verse 22. Verset 22. A little one shall become a thousand. Le plus petit deviendra un millier. And a small one. Et le moindre. A strong nation. Une nation puissante. Amen. Amen. Now God has great plans for mission Jésus qui guérit. Dieu a des grands plans pour mission Jésus qui guérit. And the great plans are in this Isaiah 60 verse 22. Ces grands plans sont trouvés à Ésaïe chapitre 60 verset 22. A little one, le plus petit, shall become deviendra a thousand. Un millier. Amen. Amen. A little one, le plus petit, shall become deviendra a thousand. Un millier. A little one, le plus petit, shall become deviendra a thousand. Un millier. Amen. Amen. So what you must realize, alors ce que tu dois te rendre compte, is that quoi? God has great plans for us. C'est que Dieu a des grands plans pour nous. And it is important for us to tap into his great plan. Et c'est très important d'épuiser de ce grand plan. Amen. Amen. The great plans that God has for us, ces grands plans que Dieu a pour nous, cannot be imagined or understood. On ne peut pas les imaginer même comprendre. Amen. Amen. Why do I say that? Pourquoi est-ce que je dis cela? Because when you read the Bible, parce que quand tu lis and la you Bible, see the great plans that God has, tu vois les grands plans que Dieu a pour nous, you sort of can't believe it. Tu ne vas même pas croire. If you can believe it, it's not God's plan. Si tu peux croire, ce n'est pas le plan de Dieu. Like if you can, like, oh yeah, this is what I'm going to become. C'est comme si oui, je viendrai comme ça ou bien comme cela. I can see my future. Je peux voir mon avenir. If you can see it, si tu peux le voir, then it's not God's plan. Alors, ce n'est pas le plan de Dieu. God's plan is fantastic. Le plan de Dieu est fantastique. I have learned to upgrade my prayers recently. J'ai appris d'abréger mes prières récemment. I now pray for things that are impossible. Je prie maintenant pour des choses impossibles. Because in my discussions with the Lord, parce que quand je discute avec le Seigneur, I tell him, je lui dis, he said that, c'est lui qui a dit, if his words abide in me, si ses paroles demeurent and en moi, abide in him, et je demeure en lui, ask what I want, de demander tout ce que je veux, and it shall be done unto me. Et ça sera fait à moi. It's not my idea. Ce n'est pas mon idée. And that's the main reason why I'm asking, et voici la raison pour laquelle je demande, that I'm asking, les choses que je demande. And that if it was something that I could have done myself, si c'était quelque chose que je pouvais faire moi-même, I wouldn't have come to him. Je n'allais pas venir vers lui. To talk to Almighty God, de parler au Dieu, about Dieu what I can do, de ce que je peux faire, by working hard, en travaillant dur. I'm talking about something that I cannot do. Je parle de quelque chose que and je ne I peux don't pas know faire. How I can do je it. Ne sais pas comment je peux faire. Ever. Jamais. Yeah. Oui. This is what I'm praying for. C'est ça ma prière. Amen. Amen. So, alors, when you, quand tu, toi, are listening to this scripture, tu écoutes cette écriture, which says that petit, a little one, le plus petit, shall become, deviendra, a thousand, un millier. I'm glad you can't understand it. Je suis content que tu and ne peux I'm pas comprendre. Glad you can't see how it can je be possible. Suis ravi que tu ne vois pas comment ça peut se réaliser. Yeah. and a small one et will become a strong nation. Deviendra une nation forte. Now, about 20 years ago, ça fait 20 ans déjà, I had a terrible accident. J'ai eu un accident terrible. I was traveling to Tamale. Je voyageais à Tamale. And around 4:30, vers 5, we had an accident. 16h30, on and a the eu un accident. Somersaulted. Et la voiture a sursauté. And went off et into the bush. Nous avons quitté, we were upside down. On était rentré dans la brousse. To the side. La voiture était renversée. And we couldn't come out of on the ne car pouvait pas sortir de la voiture. Because all the doors were jammed. Parce que toutes les portes étaient fermées. And I was greatly affected by this accident. J'étais grandement affecté par cette Nobody chose. Died. Et personne n'est mort. And I was supposed to preach that evening. Et je devrais prêcher cette so nuit-là. I finished preaching. J'ai fini de prêcher. But after the first day, mais après le premier jour, I told the pastor, j'ai dit au pasteur, I don't feel je ne me sens myself. Pas. Je ne me sens pas moi-même. I would like to go. J'aimerais repartir to Accra, à Accra without continuing the program. Sans continuer le programme. I was affected parce by que j'étais affecté accident. Par l'accident. So I think I preached 2 days. J'ai prêché pour 2 jours, je pense. I said, look, j'ai dit, regardez, ça va. So I need an aeroplane. Donc j'ai besoin d'un There avion. Was a plane, a flight. Il était un so avion. I took the flight. J'ai pris un vol. And came back. Je suis venu to Accra. À Accra. From the airport. De l'aéroport. When we arrived. Quand on est arrivé. I drove to Kolegono. J'ai conduit jusqu'à Kolegono. And et I saw the church which was being built. J'ai vu l'église qui était en construction. I think this must have been about 1994. C'était 1994. It was under construction. 14. When I stopped outside the, quand je me suis tenu debout, I looked up at the tower that was j'ai regardé le and tour I was de l'église et je, myself, dit, et je me suis dit if I had died now, si j'étais mort this would have been what was voici there, ce que on a, j'allais laisser what I've been able to do, ce que j'ai pu faire in my life, dans ma vie in my ministry, et dans mon ministère. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? This is what occurred to me. C'est ça qui est venu à moi. As I look at the building, quand je regardais la construction. Yes. C'est ça. I've not even written a book. Je n'avais même pas écrit un livre. Yeah. I've not written even je n'avais book. Même pas écrit un livre. No, I'd have gone with all the books. J'allais partir avec toutes ces choses. Mission Jésus qui guérit la vingt. Avec la mission Jésus qui guérit. Yes. Oui. And et yes, this campus. Et aussi ce campus aussi, j'allais partir avec ça. Yes. So. Alors, I remember parking outside and looking je at me souviens. I was greatly affected j'ai by garé dehors. J'étais. You see, whenever somebody has a near death, nearly die, quand quelqu'un expérimente, it has a certain effect on certain, on you. Some ça, people are in aeroplanes. Il y a des gens dans les avions. An accident, pendant les accidents, they can't fly again. Ils ne peuvent plus voler. They have to drive. Ils doivent conduire. Even to Europe, they will drive. Même en Europe, ils vont conduire aller en Europe. Yeah. Oui. It affects you. Ça les affecte. Yeah. Oui. Now, there is nothing that I'm doing. Il n'y a rien que je fais. And that God has done. Que Dieu a fait. That I imagined. Que j'ai imaginé. Then. Yeah. À l'époque. Nothing. Nothing rien. At all. Il n'y a rien. Do you see? Est-ce que vous voyez? God has done great things. Dieu a fait de grandes choses. We have had crusades all over nous the place. Nous avons eu des croisades partout. I've seen churches. Nous avons vu des églises. Yesterday, one of my pastors in England, he told me they had a first love church service in Birmingham. Yeah. He said there were more than 500 people in. Yeah, the and my pastor in Angleterre one m'avait of the dit, services. Il y avait l'église de First Love. Ils ont eu 500 personnes à l'église. Not in London. Pas à Londres. Not even in London. Ce n'était même pas à Londres. Outside somewhere. En dehors de Londres. Yeah. Oui. So alors, what I'm saying is that ce que je t'ai dit, what God has to do. Ce que Dieu veut faire. Look, it's not a joke. Écoutez, c'est you pas de cannot imagine it. Tu ne peux pas imaginer. You have to believe. Tu dois croire. The Holy Spirit. Dans le Saint-Esprit. And believe in fantastic things. Des choses fantastiques. I need you to believe fantastic things. Et aussi de croire des choses fantastiques. And this is the fantastic thing. That in the francophone, voici une chose fantastique. A little one dans la francophonie, shall become le plus a petit thousand. Qui viendra un millier. Hallelujah. Hallelujah. Are you excited? Est-ce que vous êtes content? I did not ask you to explain it. Je ne te demande pas à expliquer. Understand it. De comprendre. You see, as many as believe. Oh, beaucoup d'entre vous qui croyez. To them he gave power. Il a donné la puissance to become the sons de devenir les fils not de Dieu. As many as understood pas what was being ceux there. Qui ont compris. So you have to believe. Tu dois croire. I didn't know that God could take care of me if I became I came into the ministry. Je ne savais pas que Dieu allait prendre soin de moi but quand j'étais venu au ministère. Him, take care. J'ai fait confiance en lui qu'il allait prendre Amen. Soin de moi. Amen. So alors, you must trust the Lord. Vous devez croire dans l'Éternel that a little one que le plus petit shall become deviendra a thousand. Now, apart from that, et à part cela, in your personal life, dans ta vie personnelle, your personal life, dans ta vie personnelle, you have a great destiny. Tu as une grande destinée. What God has for you, que Dieu a pour toi, which I need you, et je veux que vous to believe, vous croyez. All right. D'accord. So your destiny alors, is connected est connecté to the church. À l'église. Many people don't know that. Beaucoup ne sont pas au courant de ça. Why? Because you are part of the church. Pourquoi? Parce que tu fais partie de l'église. So as mission Jésus qui guérit is going higher. Alors que mission Jésus qui guérit you're also going higher. Tu vas monter aussi. As a little one is becoming a thousand. Alors que le plus petit devient millier. The little one franc in your account, le un franc dans ton compte francs. Deviendrait des milliers de francs. A little one CD is becoming a thousand CDs. Un CD devient 1000 CD. A little 1 euro is becoming a thousand un euros. Euro devient 1000 euros. Where somebody used to give you $1, là où on te donnait un it dollar, will now give you $1,000. Ça va devenir 1000 dollars. The prophecy you believe, la prophétie dans laquelle tu crois, c'est la prophétie qui se réalisera. Amen. Amen. So now, alors maintenant, this is the first. I'm giving you the details. Je vous en train de donner des détails of your destiny, de ta destinée, as an individual, en tant qu'individu, and as a church, en tant qu'église. And I need you to believe it. Et je veux que vous croyiez. Because I am saying to you, parce que alors que je vous dis, if I was to say, si je devrais dire, that I believe, que je crois, or I imagine, que j'ai même imaginé, that what God has done, que ce que Dieu a fait, is what He would do, c'est ce qu'il allait faire, I would be lying. Je mens. I didn't. Non, je n'ai jamais. And I know because et je sais parce que the day after the accident, le jour après l'accident, when I saw the church, I knew that like this was my ministry. Et je savais que c'était ça mon Even ministère. Even when I wanted to be ordained, même quand je voulais être ordonné, before I was ordained, avant d'être ordonné, I spoke to the pastor and I knew my vision was to have 100 members. Ma vision d'avoir 1000 membres. And I said, if, 100 I, membres. If I have 100 members, et si j'ai 100 membres, I've fulfilled my ministry. J'ai accompli mon ministère. That was my dream. C'était mon rêve. 100 membres. Go to heaven. Je vais aller au ciel. I'm ready for heaven. J'étais prêt pour le ciel. But I never knew that I would have more than 100 Mais members. Je ne pensais pas que j'allais avoir plus de 100 églises même. This is going to be your story. Ça sera ton histoire aussi. Amen. Amen. Sit down. Asseyez-vous. Romans chapter 8. Romains chapitre 8. Your destiny is in Romans 8:29. Ta destinée se trouve en Romains 8:29. For whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his son, that he might be the firstborn among many brethren. Car ce qu'il a connu d'avance, il a aussi prédestiné à être semblable à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier d'être plusieurs frères. Amen. Amen. So what it says that whom he did foreknow, God knows in advance. Dieu connaît en avance. God knows in advance. Dieu connaît en avance. He did foreknow. Ce qu'il a connu d'avance. He also did predestinate. Il a aussi prédestiné. So God has predestinated certain things. Donc Dieu a déjà prédestiné certaines choses. So once he knows about you, donc quand il connaît quelque chose de toi, he destines certain things. Il te destine de quelque chose. I didn't write the Bible. C'est pas moi qui a écrit la Bible. It says who he knew. La Bible dit celui qui he predestinated. Connu. What did he predestine il you to be? Il a prédestiné quoi? De devenir quoi? He predestinated us to be conformed to the image of his son. Il a aussi prédestiné à être semblable à l'image de son fils. In other words, he destined you to look like his son. Autrement dit, il t'a destiné de devenir comme son fils. Okay? Okay. He predestinated you. Il t'a prédestiné to look de ressemble, to be conformed, d'être conformé to the image, à l'image, the picture, la photo. If you check your eye, you see images. Voyez les images. The image, the picture, les images, les photos of his son, de son fils. This is your destiny. C'est ça ta destinée. To look like Jesus. De ressemble à Jésus. You are like Jesus. Tu es comme Jésus. Now, how does Jesus look like? Mais Jésus, il a quel semblant? Revelation chapter 5 and verse 12. Jésus semble à quoi? Saying with a loud voice, dit avec une haute voix, worthy is the Lamb, digne est l'agneau, that was slain to receive power, de recevoir la puissance, riches, la richesse, wisdom, la sagesse, strength, la force, honor, l'honneur, glory, la gloire, blessing. La bénédiction. The lamb was there. L'agneau était là. And he came. Il était venu. And they were singing. Et ils chantaient. To him. À lui. That you are worthy. Que il est digne. To receive. De recevoir. Glory. La gloire. Honor. L'honneur. Blessing. La bénédiction. Riches. La richesse. Hey, hey. Are you there? Est-ce que vous êtes là? Look at verse 6. Revelation 5, verse 6. Apocalypse 5, it says, and behold, et voici, j'ai regardé, a lamb in the midst of the throne, un agneau au milieu des trônes, and of the four beasts, et d'êtres vivants, and in the midst of the elders, au milieu des vieillards, stood a lamb, un agneau, as though it had been slain, qui était là comme immolé, having seven horns il and seven eyes, sept cornes et sept yeux, which are the seven spirits of God, qui sont les sept esprits de Dieu. Wow. And he came and took the book out of the right hand of him that sat on the throne. Il vint et prit le livre de la main de droite. When he had taken the book, et quand il a eu pris le livre, the 24 elders, les quatre êtres vivants, fell down before the lamb, se prosternèrent devant l'agneau, and they sang a new song, et ils ont chanté une nouvelle chanson, saying, thou art worthy to take the book, en disant, tu es digne de prendre le for livre, thou wast slain, car tu étais immolé. Amen. Amen. Thou wast slain, tu as été immolé. Hallelujah. Hallelujah. And has redeemed us to God by thy blood. Tu as racheté pour Dieu par ton sang. Out of every kindred and tongue, people and nation. De toute tribu, langue et tout le peuple des nations. Verse 11. Verset 11. And has made us to our God kings and priests. Et il a fait à notre Dieu des prêtres et des rois. And I looked around. J'ai regardé autour de moi. And all these were elders, angels, and beasts. Ce sont des vieillards, and they were singing. Et ils chantaient. What were they singing to the Lamb? Ils chantaient quoi à l'agneau? With a loud voice, verse 12. Avec une voix. Worthy, verset 12. Is the Lamb that was slain? Digne est l'agneau qui était immolé pour recevoir la puissance, riches, la richesse, wisdom, la sagesse, strength, la force, honor, l'honneur, glory, la gloire, blessing, et la louange. So when you see Jesus, quand tu vois Jésus, these are the seven things you see on voici him. Les sept choses que tu vois de Jésus. What do you see on Jesus? Qu'est-ce que tu vois sur Jésus? Power, la puissance, riches, la richesse, wisdom, la sagesse, strength, la force, honor, l'honneur, glory, la gloire, and blessing. et la bénédiction, and les louanges. You, et toi aussi. What does it have to do with you? Qu'est-ce que ça a à voir avec if toi? Jesus has all these si things, Jésus a toutes ces choses. What does it have to do with somebody like you? Mais ça a à voir quoi avec toi? Has come from Gabon. Qui vient de Gabon? And who has come from Benin? Qui vient de Bénin? And who has come from Côte d'Ivoire? Qui vient de Côte d'Ivoire? What is the concern of you? Cela a fait if Jesus has all this si power, Jésus a toutes ces choses, glory, gloire, honor, puissance, and blessing. Honneur, do you know how it concerns you? Est-ce que vous connaissez comment ça do you know how it concerns you? Est-ce que vous connaissez comment do you ça want to know how it concerns you? Est-ce que vous voulez savoir? It concerns you because ça te concerne the Bible parce que says, la Bible dit, whom he did foreknow, c'est lui qui l'a connu d'avance, he did predestinate, il a prédestiné, that you afin que toi should be conformed, tu seras conformé to that picture. À cette photo, you should look like that. Tu dois ressembler à you ça. Look like that. Tu dois ressembler à ça. You should look like tu dois ressembler picture. À cette photo. That's how your picture c'est, is supposed to c'est be. Comment ta photo that's doit your être. Destiny. C'est ça ta destinée. Glory, la gloire, honor, l'honneur, power, la puissance, riches, riches, la richesse, oh, richesse. La richesse. Receive riches. Recevez la richesse. There is a fantastic wave of prosperity flowing il y a through. Une vague fantastique de mission prospérité. Jésus qui guérit. Recevez dans la mission Jésus qui guérit. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Amazing. C'est étonnant. And why? Because he pourquoi? Says parce que so that you be conformed afin que tu sois conformé to the image à l'image of his son, you see, à son fils. So that he may be the first afin qu'il soit le born premier among né parmi many brethren. Plusieurs frères. Is it not amazing? Est-ce que c'est pas étonnant? He wants you to be the first born. Il veut qu'il soit le premier né parmi many plusieurs brethren. Frères. Amen. Amen. So now let me see. Alors, is any other half caste person here? Est-ce qu'il y a encore un métis ici? Rudy is here. Rudy est là. Rudy come. Rudy vient. So Rudy and I. Rudy et moi. Is there anybody else like that? Y a quelqu'un d'autre métis? Okay. Okay. Sit down all of you so that I can see tout your le monde. Faces. Asseyez-vous. No. No, you are not toi, tu n'es pas métis. Go back. Retour. Please come. One, two, come. Un, deux, venez. One, two, stand here. Stand by him. Tenez-vous là. Okay, Paul, Bishop Paul, come. L'évêque Paul aussi. Three, trois. Come, you stand here. No. Go to the side. Yes, and oui. Then I want another person. Je yeah, you come. You come. Toi, bien. And then you come. Of Jesus. De Jésus. So he's going to be the firstborn. C'est lui le premier né. Among all these brothers. Parmi tous ses frères. Wow. These are the brothers. Voici les frères. A new brother. Un autre frère. Yeah. So my friend. Donc mon ami. You see the glory. Tu vois la gloire. The honor. L'honneur. Look, turn around so they can see you. Tourne afin qu'ils puissent te voir. It's too different. Il est trop différent. True or not true? C'est vrai ou c'est pas vrai? We are not seeing the riches. On ne voit pas la richesse. We are not seeing the glory. On ne voit pas la gloire. The strength. La force. Hein? Hein? The blessing. Les louanges. You see, that's your destiny, c'est my ça friend. Ta destinée, mon ami. That's your destiny. C'est what ça ta God destinée. C'est you ce que Dieu a planifié like pour you'll toi. You'll be one of them. Because you can see the relatives. Vous, oh, yeah. Vous pouvez voir les relations, when I see the glory, les parents, the same la type gloire, of honor, même honneur, the same type of, riches, même the genre same de richesse, strength, même genre de force, the same type of blessing, même genre de bénédiction, the same type of wisdom, même genre de sagesse. Wow. Hey! So Revelation chapter 5, Apocalypse chapitre 5 and verse 12, verset 12 describes Jesus in heaven in his glory. Au ciel dans sa gloire. And the, everybody started singing. Tout le monde commençait the à chanter. Elders were singing. Les anciens chantaient. You know, vous voyez? The pastor. Some people, pasteurs, when the senior pastor is blessed, certains personnes, quand le pasteur peut pas les bénir, ils sont but en when colère. Jesus was full of his glory, quand the Jésus elders était rempli de sa gloire, were very happy and they les said, vieillards worthy, étaient contents. Ils ont dit digne de recevoir la gloire et l'honneur. Sometimes the elders, des fois les vieillards and the beast and all that in the church, et les gens dans l'église happy, ne sont pas contents for the glory, à la the gloire, riches, la richesse and the honor et l'honneur of their leader. De leur leader. Oui. But in heaven, mais au ciel, the elders, les vieillards, the 24 elders, les 24 vieillards, and the other senior et les people, autres membres, they were Seigneur, happy, they were ils saying, étaient contents. Ils ont dit, worthy, tu es digne. Worthy, tu es digne. Worthy, digne. Worthy, tu es digne. You see? Vous voyez? And you, et toi, you, I want to advise you. J'aimerais te conseiller. You need, tu as besoin to de, see your destiny. De voir ta destinée. These are the levels of voici glory, les niveaux de gloire, levels of honor, les niveaux d'honneur, levels of riches, les niveaux de richesse, levels of power, les and niveaux wisdom, de puissance et sagesse. Tu vois? It's your future. C'est ton avenir. Don't be discouraged. Ne sois pas découragé. Today you are different. Aujourd'hui tu es différent. But by tomorrow, mais demain, you are going to shine tu like vas Jesus. Rayonner. Hallelujah. Hallelujah. Do you now see? Est-ce que tu vois that maintenant all of us, when we look que at nous ourselves, tous, quand nous nous regardons, we are not seeing as much glory, on ne voit pas aussi as much blessing, la gloire et la bénédiction, as much wisdom, et la sagesse, as much honor, et l'honneur, riches, la richesse, riches, la richesse. Hey! Hey! That is why I told you, if you can believe it, je t'avais dit, si tu peux imagine croire, it, imagine then it is ça not what que I'm talking ce n'est about. Pas ce que je dis. Believe it. Il faut croire. Believe it. Il faut croire. If you don't believe, si tu ne le crois pas, demons, les démons of poverty, de pauvreté, will envelop you. Ils vont t'envelopper. You must believe in prosperity. Tu dois croire dans cette prophétie. You must believe in prosperity. Tu dois croire en cela. How many believe? Combien ici croient? Yeah. No, no. How many believe that brother Rudy? Combien ici croient que le frère Rudy is going to be conformed? Il sera conformé à l'image. Jesus. Give the Lord a clap offering. You may go back. Acclamez le Seigneur. Asseyez-vous. Wow. Wow. Now. Maintenant. Come, Rudy, and take over the interpretation. Rudy, tu viens continuer l'interprétation. Wow. It has already started. It has already started. Number three, point I'm trois. Giving you your destiny. The first one is that a little destiny one will become a thousand. Le premier, c'est le plus petit deviendra un millier. Number two point deux. Is you are destined to be conformed to the image of Christ. Destiné the picture. À être à l'image. Anyone who sees you will see that picture. Chaque personne qui verra une image. In Jesus' name. Verra l'image de Jésus. Number three, your destiny is to be a brother of Christ. Point trois, votre destinée est être le frère de Christ. A brother, un frère of Christ, le frère de Christ. That you may be the firstborn among many brethren. Vous serez le premier parmi de nombreux frères. One day I was somewhere and I saw the president's brother. Un jour j'étais quelque part, j'ai vu le frère du président. And immediately, et immédiatement, I knew that it was the brother of the president. Je savais immédiatement que c'était le frère du président. Because the convoy, parce que le convoi. The security, la sécurité, the siren, les sirènes. I said that, that must be his brother. Ça, ça doit être son frère. From today, dès aujourd'hui, whatever characteristic is on Jesus Christ, toutes les caractéristiques de Jésus, will be seen on you as his brother. Sera visible sur vous au nom de Jésus. Whatever is around you, tout ce qui est autour de vous, that looks like from a different family, qui ressemble à une autre famille différente, is dropping off you today in Jesus' name. Sort de vous au nom de Jésus. Every accursed characteristic of your life, toute caractéristique de malédiction en vous, every accursed feature, toute image de malédiction de votre vie, is declared cursed today. Est déclaré maudit au nom de Jésus. Amen. Amen. The prophecy you believe, la prophétie que vous croyez, that is the one that's going to happen. C'est ce qui va se passer. Sit down. Prenez place. Number four. Point 4. Your destiny, votre destinée, is to be, et d'être, outstanding, remarquable, outstanding, remarquable, striking, vous frappez, and conspicuous. Et vous êtes conspicueux. Outstanding. Remarquable. From today. Dès aujourd'hui. Amen. Amen. Some of you, when you pass, nobody comments. C'est notre vous, quand vous passez, personne ne fait de commentaires. Nobody says that, oh, that is brother so and so. Certains disent, oh, mais ça c'est le frère XY. When you pass, it's as if an ant, I mean, maybe a dog or. Mais toi quand tu passes, c'est comme any si of the animals are passed by. Ou un animal qui est juste passé. Nobody notices. Mais je déclare que dès aujourd'hui, Matthew chapter 5, Matthieu chapitre 5, verse 14. Verset 14. You are the light of the world. Vous êtes la lumière du monde. A city, une ville, that is set, située, on a hill, sur une montagne, cannot, ne peut pas, be hid, être cachée. Your destiny, votre destinée, is to be a city, c'est d'être une ville, up there, là-haut, on the hill, sur la montagne. So people will be passing by. Donc les gens vont passer. And they'll say, do you see that outstanding city? On dirait que tu as vu cette ville remarquable. Look at that city up there. Regarde la ville là-haut. You are the outstanding vous city. La ville remarquable. Mission Jésus Kikere is one of the outstanding churches, une des églises remarquables ever in Africa, qui n'a jamais existé. Outstanding, remarquable, outstanding, remarquable, outstanding, remarquable. In every francophone country, dans tous les pays francophones, outstanding. Vous serez remarquable. Every single francophone, vous serez remarquable. No country is exempted. Aucun if you speak French, we will be there. Là, vous serez. I said, if you speak French, si tu parles français, tu me vivras. A city set on a hill. Une ville située sur une montagne. That's your future. C'est votre avenir. Some time ago, il y a quelques temps, I used to drive my car. Je conduisais ma voiture. When the police stopped me, quand la police m'a arrêté, they would shout and say, "Hey, Obroni!" Et qui est, hey, regarde you ce métis là. Vous savez ce que c'est Obroni? Obroni, Obroni, c'est un métis. In Abidjan, what do they say? En Abidjan, on dit comment? Mijo. Rougeau. In Benin, what is Rougeau? In Benin, what do they say? Au Bénin, on dit quoi? Yovovi? Yovovi. In Togo, what do they say? Au Togo, on dit quoi? Yovovi. In Gabon, what do they say? Au Gabon, on dit quoi? Métis. Hein? Gabon, what did they say? Nakani? Takani? Otangani? Otangani? Takani? In Congo, what did they say? Congo, what did they say? Mundele. Mundele. Quiet. I used to drive my car. Je conduisais ma voiture. Say, hey, Obroni. Et on m'arrête en disant, is that how you drive in your country? C'est comme ça qu'on conduit dans ton pays. Is that how you drive in your country? C'est comme ça qu'on conduit dans ton pays. But now, mais maintenant, when they see me, quand ils me voient, ils disent, oh, monsieur. Oh, monsieur. That is what is going to happen to you. Pastor, pour vous. It's your future. C'est votre avenir. It's your future. C'est votre avenir. It's your future. C'est votre avenir. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Now, sit down. Prenez place. Before I continue saying this, before I continue saying these fantastic things to you, avant de continuer à raconter ces choses fantastiques, I have to read a verse, otherwise you will not understand. Je dois vous lire un verset, sinon vous ne comprendrez pas. Sinon, yes. Ok. I have to read a verse. Je dois lire un verset. You may not understand. Sinon, vous ne comprendrez pas tout ce qui se passe. Numbers chapter 6. Nombre chapitre 6. Verse 23. Verset 23. This is God speaking. He told Moses. Dieu qui parle à Moïse. He said, speak to Aaron. Il dit parle à Aaron. These are the pastors. Speak to Aaron. Sans les pasteurs, dit parle à Aaron. And to his sons. Et à ses fils. Saying. Dit. On this wise. Ainsi. You shall bless the children of Israel. Vous bénirez les enfants d'Israël. On this way. Ainsi de cette façon. In this way. De cette façon. On this wise means this is how. Ainsi ça veut dire c'est de cette façon là. Bless. Que vous bénirez les enfants d'Israël. That's why they are blessed. C'est pour cela qu'ils sont bénis. Yeah. Saying unto them, dites-leur, the Lord bless thee, que l'Éternel te bénisse, and keep thee, et qu'il te garde. The Lord make his face, que l'Éternel fasse shine upon thee, luire sa face sur toi, and be gracious unto thee, et qu'il t'accorde sa grâce. The Lord lift up his countenance, que l'Éternel tourne ainsi mais qui tourne, qui tourne sa face vers toi, qui te donne la paix. And they shall put my name, et ainsi qu'ils mettront mon upon nom the children of Israel, sur les enfants d'Israël, and I will bless them. Et je les bénirai. You see, on this wise, de cette façon, this is how, c'est comme cela shall bless que vous bénirez the children, les enfants. Israël, c'est comme cela. You say to them, vous leur direz les choses. So that when I say bénisse, you'll be outstanding. Donc quand je dis que vous serez remarquable, when I say to you, quand je vous le dis, be like Jesus, vous serez comme Jésus. To say the Lord be gracious to thee. Il a dit que Dieu t'accorde sa grâce. Let his face shine on thee. Que sa face luise sur toi. On this wise, et ainsi, c'est comme ça que vous bénirez les enfants d'Israël. C'est ainsi que mon nom sera mis sur eux. Et je les bénirai. Donc alors que vous entendez ces choses, vous croyez qu'on rigole, qu'on blague. C'est comme ça. C'est pour cela qu'on sera nombreux. Another time that we are, the place is too small. Même si on est nombreux, what is the problem here? We si are too small. Comment ça se fait qu'on est si peu nombreux, on n'entend pas de bruit? Parce qu'on est trop nombreux. Because that's one of our problems now. Maintenant, c'est un de nos problèmes. Yeah. It's a good problem. C'est un bon on problème. This wise. C'est ainsi. Yeah. You see, a pastor, vous voyez, un pasteur, a prophet, un prophète speaking, qui parle. An apostle, whatever un apôtre, it is, qui que ce soit, God's servant speaking, un servant, un serviteur qui parle, is a very powerful and important part of your life. C'est une part importante et puissante dans ta vie. Numbers, nombre 23. You all know verse 19. Vous connaissez tous le verset 19. God is not a man. Dieu n'est point un homme. Because man, parce que l'homme, is always telling lies. Vous dites toujours des mensonges. This is the prophet Balaam is speaking of. C'est le prophète Balaam qui parle. Has he said and will he not do it? Has he not spoken? Shall he not make it good? Ce qu'il a dit. Now notice, verse 20 is the verse we are looking at. Le verset 20, c'est ce qu'on regarde. Behold, voici. This is the prophet speaking. C'est un prophète I qui parle. I have received commandment to bless. J'ai reçu l'ordre de bénir. I have received commandment to bless. Vous voyez l'ordre de God bénir. Has told me bless. Dieu m'a dit béni, béni. And I'm standing here to say I have received commandment to bless. To bless. Vous bénir. Received commandment to bless. J'ai reçu l'ordre de bénir. He has blessed. God bénit. I cannot reverse it. Je ne peux pas retourner cela. He has blessed. Il l'a béni. I je ne le révoquerai pas. Reverse it. I can't change it. Je ne peux pas le changer. I've received commandment. Parce que j'ai reçu l'ordre de bénir. So that's what I'm doing now. C'est ce que je fais maintenant. Each point I give, à chaque point que je donne, once you see that you are falling in it, zim. Si vous voyez que vous tombez dans cela directement, receive the blessing. Recevez la bénédiction. Don't understand it, believe it. Ne croyez pas, ne recevez pas en comprenant, recevez seulement par la foi. Yes. And it will happen practically. Et ça se passera d'une manière pratique. Back to our destiny. On revient au point de notre destinée. You are destined to be outstanding. Votre destinée est d'être remarquable. Mm. Number five. Point 5. Your destiny. Votre destinée is to be et d'être needed. Quelqu'un dont on a besoin. Dont on veut called for, always. Et qu'on appelle tout le temps needed, quelqu'un de nécessaire wanted, quelqu'un qu'on veut and called for. Et qu'on appelle chaque fois call him, call appelle-le him. We need this. On a besoin de ceci one. On a besoin de celui-là. Do you need that blessing? Est-ce que vous voulez cette bénédiction-là? That's your portion. Ça c'est votre portion. It's in Matthew. C'est dans Matthieu. Matthew. You are the salt. Vous êtes of the earth. Le sel de la terre. Salt is always needed. Le sel, on en a toujours besoin. Salt? Est-ce que vous avez besoin de sel? Do you have salt? Êtes-vous le sel? You have salt? Est-ce que vous avez le sel? Do you need salt? Avez-vous besoin du sel? Do you want salt? Avez-vous envie du sel? Salt is called for by oh. Le sel, on le cherche. Your messages will be listened to by people. As on écoutera vos messages. Can we rather listen to you? Can we rather listen to your preaching? Ils vont dire, mais est-ce qu'on peut écouter tes prédications? Be called for. On t'appellera. As far as the Philippines. Aussi loin que les Philippines. I was called for. Où on m'a appelé? I was needed. Yeah. On avait besoin de moi. When I got there, they said, look, quand je suis arrivé là-bas, testimonies from last year, and people were coming with miracle testimonies from last year. On m'a dit les témoignages de l'année passée, des miracles de l'année passée, les gens venaient. One person testified. Quelqu'un a témoigné. He had had asthma and has been hospitalized and admitted five times in the last few months. Il a été cinq fois hospitalisé. When he came. Since then, et depuis qu'il est venu à la Réunion, plus jamais il est reparti à l'hôpital à cause de son asthme. If you know what asthma is, you know. Ceux qui ont souffert de l'asthme savent de quoi je parle. Mission, mission. Yes. You will be needed. On aura besoin de vous. On vous appellera. Every table in every restaurant, there's salt and pepper. Partout là vous allez dans le restaurant, il y a toujours le poivre, le sel. You will be in every house. Vous serez dans toutes les maisons. Preaching, your books will be in every house. Vos livres seront dans toutes les maisons. When I finished preaching, quand j'ai fini de prêcher aux Philippines, I was going, the pastor said, "Can I see you?" Le pasteur m'a dit, est-ce que je peux te voir? Please. S'il te plaît. We need you again. On a besoin de toi encore. We need you again. On a besoin de toi encore. Yes. next time we want to do this and we didn't do this, this la prochaine fois this, on n'a pas fait ceci this, on veut faire cela la prochaine all fois this for you. Tout cela c'est we pour toi you. On a besoin we de toi for you. Tout cela c'est pour toi from Ghana depuis le Ghana I was called for. On m'a appelé. How many times have been in a restaurant and other way? You have some salt, please. Combien de fois vous avez été au restaurant? Vous avez dit, est-ce que vous avez du sel? So when somebody said, do no Taki Wat Mills, can you call Taki Wat Mills? Donc quelqu'un a dit, mais ce Taki Wat Mills, est-ce que vous pouvez l'appeler? You will be called for. On vous appellera aussi. You will be called for. On vous appellera aussi. You will be needed. On vous aura besoin de wanted. On voudra de vous. Jesus name. Au nom de Jésus. That's your destiny. Ça c'est votre destinée. I have received commandment. J'ai reçu l'ordre de bénir. Therefore, I'm blessing. I cannot je bénis. The next one. Point suivant. Number six. Point six. Your destiny. Votre destinée is to be. Et d'être. A great source of. Une grande source inspiration, d'inspiration, direction, de direction and light. Et de lumière. Yes. When people look at you, quand les gens vont regarder vers vous, inspiration, ils vont voir l'inspiration. When they see you, they become quand encouraged. Ils, voient, ils se sont touchés par la direction. Inspiration. L'inspiration. And then when they see you, they know what to do. Et quand ils vont te voir, ils sauront quoi faire. What I should do. I should ah, do what this je sais quoi faire maintenant. Je vais faire direction. Ça. La direction. And light. Et la lumière. You become the answer. Vous serez la réponse. Like how, when we say Jesus is the quand on dit Jésus est la réponse it's du monde aujourd'hui, yes. Il est la réponse. When they see you, quand on vous verra, this. Recently, a brother had a funeral. Récemment, his un frère child a died. Eu des funérailles, son frère, son enfant est mort. He said, "When I saw," he said, "When I saw Bishop at the door, l'évêque à la porte, he was okay. Il était bon. He was just affected. Il était affecté. And I told my wife, I'm going to go for this funeral. Et j'ai dit à ma femme qu'on va aller à ce funérail. You become a source of inspiration. Et vous serez une source d'inspiration. You become a source of direction. Une source de direction. And you become a source of light. Vous serez une source de lumière." Wow. Wow. Matthew chapter 5. Matthieu chapitre 5. All these are in Matthew. Toutes ces choses sont dans Matthieu. You are the light of the world. Vous êtes la lumière du monde. You are what? Vous êtes the quoi? Light la lumière of the world. Du monde. Verse 15. Neither do men light a candle. 15. On n'allume pas une and lampe put it under pour la mettre sous, but on a candlestick. Mais on la met sur le chandelier. And it giveth light et elle éclaire unto all that are in the house. Tous ceux qui sont dans la maison. Wow. You are giving light. Vous donnez de la lumière to all that are in the house. À tous ceux qui sont dans la maison. You are declared. Vous êtes déclaré une inspiration. You are declared on déclare a source of direction. Que vous êtes une source de direction. You are declared a source je déclare of light. Que vous êtes une source de lumière. Mission Jésus qui guérit is declared est déclaré a source of inspiration. Une source d'inspiration. Is declared a source of direction. Une source de direction. Is declared a source of light. Source de lumière. Receive it in Jesus' name. Recevez cela au nom de Jésus. Now, look at your life. Maintenant, regardez à votre vie. How you are now. Comment vous êtes maintenant? Hein? Do you see what I'm saying? Vous voyez ce que je dis? How can you be comment a source of inspiration? Être une source d'inspiration. The way things are. Vu les choses comme elles sont. Oh, you don't understand my question. Vous comprenez ma question? How can you be a source of pouvez-vous inspiration? Pouvez-vous être une source d'inspiration? What do you have? Qu'as-tu? What are you? Qui es-tu? Where are you? Où es-tu? That's why I said, don't try to understand what I am c'est saying. C'est pour ça que je dis, n'essaye pas de comprendre. If you try to understand si tu essaies de comprendre, you will not be happy with what I'm saying. Tu ne seras pas content par rapport aux choses que je raconte. Yes. Just believe. Crois seulement. And when you go home, et quand tu rentres à la maison, say each one, look in the mirror and say, I'm a regarde au miroir et dis, je suis une source d'inspiration. And don't laugh at yourself when you see yourself. C'est pas par rapport à toi. I'm a source of inspiration. C'est une inspiration. Tu regardes au miroir. Don't laugh at yourself again. Be serious. I'm a source of inspiration. Parle de toi. I'm a source of direction. Je suis source de direction. I'm a source of inspiration. Je suis source d'inspiration. I'm a source of light. Je suis source de lumière. He gives light to all. Il donne la lumière à tous ceux qui sont dans la maison. You know, when we started Lighthouse, quand on a commencé Lighthouse, Lighthouse Chapel International. After that, most churches change their name to something something Chapel International. So now that we are changing the name, I don't know what they are going to do. Give the Lord a shout! Give the Lord a shout! Give the Lord a shout! Give the Lord a shout! Give the Lord a shout! Amazing. Étonnant. Merveilleux. Mission. A source of direction. Une source de direction. A source of inspiration. Une source d'inspiration. A source of light. Une source de lumière. People will be saying that. Les gens diront, a church like this come from an anglophone country vient d'un pays and anglophone be dominating et qui domine in the francophone country. Dans francophone, comment? The buildings that are about to be built. Les bâtiments qui vont être construits. People will be pointing and saying, a city dire, set on a hill cannot be hidden. Une ville placée sur la montagne. My architect was asking. L'architecte me demandait whether we want to have the offices on the ground. Si on va or avoir the ones bureaux, that go up. Rétrocès. I said that the one that goes up looks more like the one in the Bible, a city set on a hill that cannot be built. Give the Lord a shout! Ah! You'll be needed. On aura besoin de vous. Appoint somebody to after somebody. You'll be wanted. Après cela, tu dis à quelqu'un, on aura besoin de toi. On te voudra. On voudra de toi. Tell somebody that they will call for you. They will call for you. On t'appellera. They will call on t'appellera, dis à quelqu'un. For you. On aura besoin de toi. Alléluia. Alléluia. They will call for you. They will call for on t'appellera. They will say, call her. Wow. Sit down. Prenez place. Hey. Fantastic. Number 7. Point 7. Your destiny. Votre destinée is et to be d'être spiritual. Spirituel. While on earth. Pendant que vous êtes sur terre. Spirituality. Spiritualité. And heavenly blessings. Et les bénédictions while célestes. Pendant que vous êtes sur terre. Now, most people whilst on earth cannot be spiritual. La plupart des gens sur terre ne peuvent pas être spirituels. It's very difficult to be spiritual. C'est très difficile d'être spirituel. Oh, I feel like eating. Parce qu'ils doivent manger. Oh, I feel like drinking. J'ai envie de boire. I feel like sleeping. Oh, j'ai envie de dormir. I feel like sex. Parce que j'ai envie de sexe. Hey! But your destiny. Ta destinée. Is spirituality d'être spirituel while pendant still que on tu earth. Es sur terre. Amazing. Étonnant. Ephesians. Ephésiens. Chapter 2. Chapitre 2. And you, I like verse 1. And you, vous, has he quickened, who were dead, étiez mort, in trespasses, par vos offenses, and sins. He's made you alive. Il vous a rendu you were à la dead vie. In your sins. Vous étiez mort par vos offenses. Every vos time you sin, you are dead. À chaque fois que vous péchez, vous êtes mort. Wherein in time past, alors qu'il y a un temps, you walked according to the course of this world. Vous marchez selon le train de ce monde. According to the prince of the power of the air. Selon le prince de la puissance de l'air. The spirit that now worketh in the children of disobedience. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Verse 3. Verset 3. Among whom we also had our conversation in times past. Tous aussi nous étions dans leur nombre. In the lust of our flesh. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Fulfilling the desires of the flesh and the mind. Accomplissant les volontés de la chair et de nos How pensées. How many have fulfilled the desires of your flesh and Combien your mind? Combien ont déjà accompli les désirs de la chair? I feel like it. I'm doing it. Tu dis, oh, j'ai envie de cela. I feel like it. I'm doing it. J'ai envie de faire cela. And were by nature. The children of wrath. Et nous étions par nature des enfants de colère. Verse 4. Verset 4. But God. Mais Dieu. Who is rich in mercy. Qui est riche en miséricorde. For his great love. À cause du grand amour. Wherewith he loved us. Dont il nous a aimés. Verse 5. 5. Even when we were dead in sins. Nous qui étions morts par nos offenses. Quickened us together with Christ. Nous a rendus à la vie avec Christ. By grace you are saved. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Verse 6. And has raised us up. Il nous a ressuscité. Not that he will raise us up. He has pas qu'il va ressusciter, mais il nous a ressuscité. Together. Ensemble. And made us sit. Et nous a fait asseoir. Together. Ensemble. In heavenly places. Dans les lieux célestes. In Christ Jesus. En Jésus Christ. That in the ages to come. He might show the exceeding riches of his grace. Dans les siècles à venir, de montrer l'infinie richesse de sa grâce. Now, if you look at verse 6 again, regardons le verset 6. It says, He has raised us up. Il nous a ressuscités together, ensemble. To sit. Il nous a fait asseoir together, ensemble. With him. Avec lui. In heavenly dans les places. Lieux célestes. So we are now seated. Et donc maintenant on est assis. Not that he will. Pas qu'il va le faire. So he has raised us up. Il nous a déjà ressuscité pour que nous puissions nous asseoir maintenant places, dans les lieux célestes. Now what does it mean? Ça veut dire quoi? Where are you sitting now? Où êtes-vous assis maintenant? Vous êtes assis où? À Mampong, isn't it? À Mampong, n'est-ce pas? Anakazo, isn't it? Anakazo, n'est-ce pas? Are you in heaven now? Can you see yourself in heaven? Est-ce que vous êtes dans les cieux maintenant? But vous êtes dans les cieux. We are seated in heavenly places. Mais Dieu est assis dans les lieux And célestes. And if we are seated in Mampong, what does it mean? À Mampong, ça veut dire quoi? Does it mean God is lying? No. Est-ce que ça veut dire que Dieu ment? It means you are living a dual life. Ça veut dire que vous menez une vie you duelle. You are both in heaven. À la fois dans les And cieux. And also right here. À la fois sur terre. In Mampong. À Mampong. So you are a man operating in two worlds. Une personne qui opère dans les deux mondes. Yes, dual citizenship. Vous êtes un citoyen duel. Two passports. Double passeport. One on earth. Un sur terre. And a heavenly. Et un autre céleste. Operation. Qui opère dans les deux spirits. Dans l'esprit. It's real. C'est réel. Yes. So your destiny. Et donc votre destinée. Is to be an operative. C'est d'être opératif. Of two worlds. Dans les deux mondes. At the same time. Au même moment. I am a spiritual operative. Je perds dans les deux mondes. Even though I live on earth. Même si je suis sur terre. I live here. Je vis ici. I have my family. J'ai ma famille. Here. Ici. I live right here. Je vis ici. But I'm a spiritual operative. Mais I'm operating in the spirit. J'opère dans l'esprit. See, right now what I'm doing. Maintenant ce que je fais. I'm doing something in the spirit. Je fais quelque chose dans l'esprit. Carving out a church. Je suis en train de bâtir l'église. I'm causing a church to come into existence that did not exist before. Faire en sorte que l'église existe là où elle n'a pas encore existé. I am speaking blessings. He says, I've received commandments to bless. Comme il a dit le prophète, j'ai reçu l'ordre de bénir. C'est quelque chose de spirituel. So I'm blessing. Et donc je bénis. I'm saying your name and I'm blessing you. Je dis votre nom et je vous bénis. Thus shall thou declare and put my name on them. Et c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur eux. That's what's happening. C'est ce qui s'est passé. So. Donc, those of you who feel that, as for me, I don't have ever spiritual. Ceux qui disent, oh non, je ne suis pas spirituel. J'ai jamais eu des expériences spirituelles. Physical things. J'ai que des expériences physiques. From today, dès aujourd'hui, you are declared. Je déclare in two realms. Que tu opères dans les deux mondes. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Two worlds. Deux mondes. Number. 8. 1, 8.